Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Aujourd'hui, on va se faire un immense plaisir. On va parler d'un nouveau livre qui vient d'être publié aux presses de l'Université Laval. Un livre très bien écrit, magnifiquement illustré, très bien documenté et dont le titre est évocateur. Grandes images qui ont révélé l'univers de la Lune à l'aube cosmique. Alors j'en ai lu plus du tiers et j'ai eu énormément de difficultés à décrocher de ce livre. C'est un livre fantastique. Alors, l'auteur de ce bouquin est Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, vous avez écrit plusieurs livres jusqu'à maintenant. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à écrire celui-ci? J'ai toujours été fasciné par l'image et je me rends compte en parlant des plusieurs livres que j'ai jamais écrit un livre sans image. Donc... Je ne suis pas amateur de bande dessinée, mais je suis grand amateur d'images. J'aime beaucoup l'image scientifique, de toute évidence. Et j'ai toujours utilisé l'image dans mon enseignement. Et je trouve que c'est une façon d'expliquer les choses. Et quand on utilise beaucoup d'images, on se rend compte qu'il y a beaucoup de subtilité. Une image n'est pas si évidente que ça peut paraître. Évidemment, on est habitué avec des photos de soi-même, mm-hmm. de ses enfants, des paysages et tout. Mm-hmm. Mais l'image scientifique va avoir quelque chose qui va être assez différent. D'ailleurs, c'est un outil pour étudier notre environnement. En astronomie, c'est la science exemplaire pour utiliser l'image. D'autres sciences utilisent les images différemment, la biologie via le microscope ou de toute autre manière. Et aussi, il y a des images que j'appelle des images abstraites, qui sont représentatives, des schémas. On est habitué avec ça. Et aussi des images qui sont un petit peu plus subtiles, qui ne sont pas nécessairement la réalité, mais qui nous rapprochent à la réalité en combinant un concept physique à par exemple, la cartographie, en montrant les températures à la surface de la Terre. Donc, on vous montre en rouge les températures plus hautes que la moyenne, en bleu plus froides que la moyenne. Ce sont des images un peu plus abstraites, celles-ci. Donc c'est un aspect que j'explore. Mais ici, dans le livre, je parle plutôt de l'image plus proche de celle à laquelle on est habitué d'imager quelque chose dans le ciel et d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Oui, et dans l'introduction, vous avez même abordé le phénomène de la vision. Vous avez parlé de l'image en tant que représentation d'information, parce que c'est important de bien voir, mais aussi faut-il bien comprendre et bien interpréter ce que l'on voit. Quel est le rôle, quel est le rôle et l'importance de l'image en science et en astronomie, plus particulièrement? Oui, donc, en fait, c'est intéressant parce que j'en parle beaucoup. D'abord, l'image a été longtemps, et l'image vraiment arrive en astronomie, on a des images des astres, avec l'arrivée du télescope. Donc, 1609, ouais. 1610 avec Galilée, et c'est contemporain. Et l'image, à ce moment-là, n'est pas une photographie. L'image est ce que l'œil perçoit à travers le télescope, comme on le faisait en géologie, en zoologie, dans les autres domaines, la botanique, etc. Donc, on fait des croquis. Uh-huh. Et les premiers télescopes étaient aussi... Et rudimentaires. Donc, ce qu'on voyait était ce que l'œil percevait. Donc, en contraste avec ce que la modernité va nous apporter avec l'exploitation des autres domaines de longueur d'onde, comme les rayons X et les rayons gamma. Donc, en fait, on dessine quelque chose qu'on pense percevoir dans le ciel, généralement assez correctement, mais parfois avec des sacrées dérives, comme les canaux de Mars, qui n'existaient pas et que certains gens prétendaient voir. Donc, ces deux exemples, en fait, comme Galilée qui voit la Lune à travers son télescope, il voit des montagnes, il voit des mers, entre guillemets, ce qui s'est révélé ne pas être le cas, mais tout le reste de sa description de la géographie, de la topographie de la Lune s'est révélé correct. Donc, il savait. D'autre part, il observe le Soleil à travers son télescope, et il observe des taches solaires, des zones plus sombres, qu'on sait maintenant être simplement moins lumineuses. Il ne sait pas. Et là, son interprétation, comme celle des autres qui vont suivre, ça va prendre 3 siècles avant de savoir que ces taches sont des ondes plus sombres, plus basse température, causées par des grands champs magnétiques. Mais Galilée les dessine de avec très haute précision, comme vous les verriez, comme les photographies nous ont révélé avec plus de détails, mais ses dessins étaient corrects, mais il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il parlait même que c'était une manifestation de la digestion par le soleil. Il parlait même d'excréments qui étaient produits par le soleil. Donc, autant avec ses croquis de la Lune, il voyait et interprétait correctement, avec ses croquis du Soleil, il voyait correctement, mais interprétait incorrectement ce qu'il voyait. Et ça, c'est une grande tradition, non seulement en astronomie et en science. Ça va prendre toujours un peu de temps avant de savoir à quoi on a affaire. Et pour les taches solaires, la mauvaise interprétation a duré aussi très longtemps. Non? Oui, parce que même on est passé des excréments à voir des volcans à la surface du Soleil. Tout ça parce qu'effectivement, c'était pas assez défini. C'était pas assez défini. Aussi, nos connaissances de la physique étaient insuffisantes dans les tout débuts. Donc, souvent, l'image est très intéressante parce qu'on peut faire regarder un objet comme la Lune et regarder historiquement l'évolution de nos connaissances via des images. Ce que je fais autant que possible dans le livre, parce que je parle de 30 images qui ont révélé l'univers, mais le livre a 250 images pour montrer aussi des images d'aujourd'hui de ces mêmes objets qui, lorsqu'ils ont été pour la première fois dessinés ou photographiés, on n'avait aucune idée de ce qu'ils étaient. Effectivement. Et Jean-René, sur quels critères ont été sélectionnées les 30 images qui constituent en fait la trame du livre, ces images que vous avez appelé transformatrice. Oui. Donc, le titre est 30 images. J'ai pas dit les 30 images. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pu en choisir un peu plus, un peu moins. Quelqu'un d'autre aurait choisi peut-être un peu différemment, mais je pense qu'on serait entendu sur un bon noyau. Au moins peut-être 60% des images comme ayant été des images importantes. Et quel est mon critère, justement? C'est celui d'une image qui a transformer nos connaissances. J'appelle ça des images de rupture, dans le sens qu'après l'image, notre vision de l'univers n'a plus été la même qu'avant. Donc, je reviens au croquis de la Lune par Galilée. Donc, Galilée a immédiatement, parce qu'il a bien interprété aussi la topographie et la géographie qu'il voyait de la Lune et qu'il mesurait par des données de trigonométrie, que la Lune qui était dans le domaine des astres, donc dans le domaine de l'incorruptible, selon la vision aristotélicienne, était tout simplement un monde comme la Terre. Donc, cette vision, il l'a complètement cassée. On a pu passer à autre chose. Et tous mes exemples, en fait, montrent des images, je les ai choisies, et je décris, en fait, quel a été le caractère de rupture, de transformation fondamentale de chacune de ces images. 30, pour aussi couvrir des différents, j'appelle ça, départements de l'univers, le système solaire, la Voie lactée, le monde stellaire, le monde des immenses agglomérations d'étoiles que sont les galaxies, et aussi le monde de la cosmologie, l'univers dans son ensemble. Donc, ça donne à peu près 6 à 10 images par section. Ça me permet de couvrir plusieurs thématiques de l'astronomie, son histoire et de la recherche contemporaine. Et de ces images, en fait, vous en aviez combien au départ, parmi lesquelles vous en aviez choisi 30? Au départ, j'en avais peut-être une cinquantaine. Okay. Et j'ai essayé de réduire pour avoir un propos structuré. Et en fait, c'était une idée que je voulais passé. Je ne voulais pas juste faire un catalogue d'images. Je voulais avoir quelque chose qui formait un corpus là, assez bien intégré avec lequel le lecteur, ayant complété la lecture ou la relecture, va avoir une vision assez complète de l'histoire de l'astronomie via les images et comment ces images ont été obtenues, comment la technologie qui a évolué continuellement, a été obtenu. L'arrivée de la radioastronomie, par exemple, dans les années 1930, va transformer complètement notre façon de voir l'univers. L'arrivée de l'ère spatiale va nous permettre d'imager les astres dans les rayons X. Et là, on parle d'image, c'est plus avec les yeux, mais on va utiliser des techniques représentatives. On va utiliser ce qu'on appelle des fausses couleurs, parce que les rayons X, ça n'a pas de couleur comme l'œil les perçoit. Donc, tous ces aspects-là que je voulais couvrir en même temps, qu'on faisait un grand voyage de découverte à travers l'univers en partant de la Lune, en allant jusqu'à ce que j'appelle l'aube cosmique, qui est le fond de rayonnement micro-ondes qui remplit l'univers. sur lequel on voit des petites fluctuations qui sont les premières modes de matière condensée 380 000 ans après le Big Bang. Donc, j'ai fait un choix ayant une fonction de couvrir autant de domaines que possible des connaissances de l'évolution du télescope et des différents types de télescopes pour accéder aux différents domaines des ondes électromagnétiques qui nous donnent beaucoup d'informations. Donc, le 20e siècle va avoir un impact fulgurant dans tout cela, là, avec l'arrivée non seulement de meilleures techniques que la photographie traditionnelle, mais les détecteurs numériques, comme vous avez maintenant dans votre téléphone, par exemple, ou tous les bons appareils photographiques, et aussi ces mêmes techniques numériques ou électroniques vont nous permettre de mesurer des photons de d'autres énergies, comme les rayons X, les rayons infrarouges, les rayons ultraviolets, etc. Donc, un jeu, puis en même temps, je voulais que les gens aient quelque chose de plus qu'un simple livre de belles images. Le livre est beau, oui, ça, il n'y a aucun doute. Félicitations, merci à mon éditeur qui a fait un travail extraordinaire. Et la personne qui a fait le montage, texte, photographie, Daniel Motard, je lui ai rien dit, mais elle a fait exactement ce dont je rêvais. Et aussi, on pourrait peut-être en parler brièvement, il y a aussi toute la recherche de ces images-là, parce que dans le fond, il faut que soit connaître leur existence ou peut-être que vous pouvez nous en parler. Les gens, en fait, me posent assez souvent des questions. Comment j'ai trouvé ces images? Parce que, en fait, tout n'est pas sur Internet. Je le regrette. Les bonnes choses ne sont souvent pas sur Internet. Donc, mais il existe beaucoup d'images, souvent dans les grandes bibliothèques, celles qui existent dans des universités anciennes, des observatoires anciens, donc qui ont des archives, donc de documents. Donc, c'est être un peu à l'affût de ce qui peut exister à certains endroits. Comme en Amérique du Nord, moi, ma référence, c'est les grandes bibliothèques de Harvard. L'université de Harvard a 17 bibliothèques. Je sais pas combien de, je pense, 25 millions de livres. Ils ont des livres aussi très anciens auxquels j'ai eu accès. Pas nécessairement directement, mais il y a un service de recherche. On va trouver quand vous savez. Et surtout, si vous savez exactement la page dans le document, parce que souvent, beaucoup est numérisé. Et là, vous voulez avoir, vous, une image numérisée à très haute définition, donc ils vont le faire pour vous. Certaines grandes bibliothèques européennes ont des banques de données d'images extraordinaires qui ne sont pas nécessairement sur Internet, mais vous pouvez écrire à l'archiviste, à la bibliothécaire, et on va vous fournir à peu près presque tout ce que vous voulez. Pas tout, mais presque. Et l'aide inestimable de ces gens est irremplaçable. Ouais, donc, et faut définitivement ne pas se contenter uniquement de ce qui est sur Internet, sauf que ça nous donne toujours d'excellentes pistes. Alors maintenant, si on parlait de quelques images, oui. Jean-René, que vous avez choisies. Alors, vous avez choisi l'image numéro 5, qui est intitulée « Jupiter acquiert un cortège ». Oui, alors, c'est, en fait, cette image est transformatrice. Oui. Donc, ça fait partie de ce qu'a publié Galilée, ses premières observations avec un télescope qu'il a effectué à la toute fin de 1609 ou au début de 1610. C'est un tout petit télescope, je montre l'image. Un truc qui a l'air de rien, là, avec une lentille d'à peu près 30 mm, parce qu'il avait poli rapidement, il a fallu qu'il diaphragme pour n'utiliser que la partie centrale d'à peu près 15 mm, et il ne pouvait voir qu'une petite fraction de la Lune. C'est avec ça qu'a fait ses observations, qu'il a fait ses croquis de la Lune, et j'en reproduis dans la Lune, dans le livre qui vient de son petit livre original qui s'appelle « Le messager des étoiles ». Et il a aussi décrit et fait des dessins des croquis qui sont plutôt d'un manuscrit original ici, qui ne sont pas dans son livre « Le messager ». Sa découverte des lunes de Jupiter. Donc, grande surprise, il découvre que Jupiter, la planète, avait des lunes, ce qui était un bris total avec l'aristotélisme dont on a parlé plus tôt, où tous les corps devaient tourner autour de la Terre. OK, parce qu'on avait même observé que les satellites tournaient autour de Jupiter. Il l'a cartographié jour après jour pendant des semaines, la position et tout. Il a mesuré d'ailleurs, il utilisait un système d'observation très sophistiqué à l'époque. Et on le sait parce que maintenant, connaissant les heures auxquelles il a observé, les mois, les jours, les heures, avec les ordinateurs, on peut reconstruire où étaient ces satellites-là. Ben oui. Et Il les avait exactement. Donc, et ça a été une rupture parce qu'avant, il mettait de l'avant le système copernicien, mais au moins il brisait cette espèce de fondement de l'aristotélisme que tout, la Terre était le centre de l'univers, tout tournait autour. Et là, il disait, il y a au moins deux centres dans l'univers, dépendant de ce que vous croyez. Si vous êtes aristotélicien, il y a le Soleil, puis il y a Jupiter. Et même si vous êtes un géocentricien, comme les descendants, les suiveurs d'Aristote, qui l'ont mal interprété d'ailleurs, vous avez un autre centre, qui est Jupiter a aussi des trucs. Même si Jupiter tourne autour de la Terre dans le système géocentrique. Donc, il casse cette perspective. Donc, il dit, il y a au moins deux centres. Allez vous promener, là, messieurs les péripatéticiens, qui prônent que la Terre est le seul centre, que tout tombe sur la Terre. Oui, tout à fait. On pourrait aller maintenant à l'image 6 que vous avez choisie, Mars par ses canaux. Celle-là, moi, j'ai l'arrivée de l'ère spatiale et c'est l'impact, et j'en parle beaucoup dans le livre, de l'utilisation de sondes spatiales qui vont s'approcher des différentes planètes, même des comètes et des astéroïdes, et nous en révéler des détails que jamais on ne peut voir de la Terre. Même par télescope? Même par télescope, absolument. Donc, c'est les fameux canaux. La science-fiction, on pense toujours que les science-fiction prédit des choses, etc., mais ils sont souvent dans les patates. Et dans ce cas-ci, les promoteurs de civilisations de martiens ou de grandes zones de végétation avec des canaux, l'eau qui coule à flot, des saisons avec les arbres qui poussent et les fleurs, tout ça a été mis à l'eau. Parce que Mariner, la première sonde qui va frôler Mars, n'entrera pas en orbite, va prendre une vingtaine de photos et va nous montrer une Mars qui ressemble à la Lune, avec des cratères. Donc, pas de Venise, là. Non, il n'y a absolument rien. Et c'est absolument ahurissant parce que moi, je me souviens encore, j'étais adolescent, entre guillemets, jeune adulte, je me souviens encore des beaux grands magazines qu'il y avait dans les journaux. Je pense que la presse avait un grand magazine de fin de semaine. On montrait, reproduit à partir de croquis de la NASA, on montrait un schéma avec la sonde Mariner, là, un dessin pratiquement réel de la sonde, en route vers Mars. Et Mars était là, une grosse boule orange avec des canaux dessus. Donc, Mariner 4 s'en allait vers Mars et on s'attendait, pour certains, encore à des canaux. Et là, révolution, Mars se révèle être plus comme la Lune et n'a rien à voir avec ce que tout... quelques hurluberlus, plusieurs des astronomes savaient que c'était un peu dans l'imagination et la tendance de l'œil à avoir plus de régularité dans une image où on voit, qui est mal définie que qui a de régularité réelle. OK. Et donc, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de végétation non plus. Deux choses, donc, la visite et l'imagerie à partir satellitaire, va transformer notre façon d'explorer les mondes, au moins du système solaire. Et l'autre chose, on réalise que Mars, s'il y a quelque chose là, ça va être beaucoup plus subtil et beaucoup plus difficile à trouver. Donc, on explore Mars quand même depuis ce temps-là. Et l'image d'une lune comme telle, elle est un peu atténuée. Quand même, Mars a peut-être déjà eu de l'eau. Il y a de la sédimentation, mais il n'y a absolument pour le moment aucune trace de vie qui a été identifiée. D'accord. On va passer à l'image numéro 14, intitulée HR 8799. Qu'est-ce que c'est, ça, Jean-René? Donc, ça, c'est intéressant parce que là, on est vraiment dans l'époque moderne. On arrive en 2008, là. Je travaillais à l'Observatoire Gemini à ce moment-là et l'Observatoire Gemini a contribué beaucoup. C'est la première image d'un système de planètes qui tourne autour d'une autre étoile. Ce qu'on a cherché de... Donc, on cherche encore quand même pas mal. Et évidemment, cette image-là, je dirais que elle n'est pas tout à fait surprenante. Mais pourquoi je la vois de rupture? De deux manières. C'est parce que on peut prendre des images malgré des difficultés énormes de l'éblouissement que l'étoile produit par rapport au petit corps qui tourne autour. Donc, on a choisi quand même des objets ou d'une étoile jeune, donc il y aurait des planètes jeunes. Et il y a eu un peu coup de chance parce qu'on n'a pas trouvé depuis 2008, malgré des efforts gigantesques, d'autres systèmes équivalents. Donc, on avait déjà mis en évidence, et il y a eu le prix Nobel de cette année attribué à Michel Mayor et Didier Queloz pour leur révélation de l'existence de planètes autour d'étoiles, mais par méthode indirecte, par ce qu'on appelle la vélocimétrie. Ici, c'était, on confirmait avec une image. Et une image, ça convainc pas mal de monde par rapport à d'autres types de représentations. Et dans ce cas-ci, ça a été extraordinaire, surtout que la série d'images qui a été utilisée a pu montrer que ces planètes étaient véritablement en orbite autour de l'étoile. OK, et elles ont été vraiment photographiées, on les distingue? Oui, absolument, on les distingue, il y en a quatre. Et avec le temps, on voit qu'elles se déplacent? Absolument, elles tournent d'ailleurs dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et elles sont correspondantes à un système un peu plus grand que le système solaire, et ces quatre planètes sont un peu plus grosses que des Jupiter. Donc, on peut supposer qu'il y a beaucoup d'autres petites planètes autour de cette étoile. Donc, je dirais que c'est une étape fondamentale dans notre exploration maintenant, non pas du système solaire, du système de nos planètes, mais des exoplanètes, qui est un monde qui s'ouvre et qui va continuer à être exploré avec toutes sortes de méthodes, dont l'imagerie. Et celle-ci, c'était une première. Et est-ce que c'était un hasard qu'on soit tombé là-dessus? Non, non. C'était après beaucoup d'efforts, loin d'être un hasard, laissez-moi vous le dire. D'abord, la technique utilisée, c'est une technique d'optique adaptative, donc qui corrige en temps réel la turbulence atmosphérique, qui brouille les images comme telle. Donc, il faut avoir des systèmes assez complexes. Et aussi, un traitement d'image très sophistiqué, parce que même si on masque l'étoile, on appelle ça la coronographie, on fait comme une petite éclipse avec notre télescope, il y a tellement de lumière dans le système qu'il faut apprendre à traiter, enlever, c'est ce que j'appellerais des éclaboussures de lumière qui varient et qui pourraient cacher tout signal beaucoup plus faible. Donc, c'est un autre aspect absolument étonnant. Et d'ailleurs, c'est une équipe de Québécois et d'Américains qui sont derrière cette découverte, et je les mentionne en détail dans le livre. Et on va aller à la quatrième image, c'est-à-dire la 21e image que vous avez choisie. NOVE, les luminaires du cosmos. Oui, NOVE. Oui. Les NOVE, en fait, ce sont des étoiles qui explosent de temps à autre. Ce ne sont pas des supernovae, ce sont des étoiles. Il y en a à peu près une douzaine dans notre galaxie par année. Il y a aussi des supernovae qui sont des étoiles beaucoup plus massives, elles qui explosent et qui ont une brillance équivalente à celle de toute une galaxie pendant quelques semaines. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est 1917, donc on retombe en arrière, et c'est un moment où il y a un grand débat. C'est nébuleuse qu'on voit dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? Mm-hmm. Est-ce que ce sont des systèmes qui appartiennent à notre Voie lactée? Ou est-ce que ce sont d'autres voies lactées, comme on en avait fait l'hypothèse? On ne pouvait pas répondre à la question pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on ne savait pas la distance de ces dites nébuleuses. Tout à fait. Donc, pour déterminer la distance, on ne pouvait pas prendre les méthodes qu'on prend pour déterminer la distance à la Lune, déterminer la distance aux étoiles, ce qu'on appelle les parallaxes ou la trigonométrie de base, parce que ces objets sont tellement loin que c'est impossible d'utiliser ces techniques-là. Donc, ce qu'on fait, il faut reconnaître ce qu'on appelle des chandelles standards, des objets assez lumineux qui ont des propriétés spéciales qu'on voit proche de nous et dont on connaît exactement la luminosité intrinsèque. Ce sont les étoiles variables. Le Soleil est une étoile, mais elle n'est pas variable. Donc, on étudie les étoiles, mais certaines étoiles variables qui sont très brillantes. Et entre autres, il y a un type d'étoile qu'on appelle les céphéides, et ça, j'en parle beaucoup. Mais il y a d'autres étoiles encore plus brillantes, moins fréquentes, qu'on appelle des étoiles qui explosent, soit des novae, des supernovae. Et on en observe dans notre galaxie à peu près une douzaine par année depuis à peu près deux siècles. Donc, les gens ont vu comme des explosions d'étoiles dans certaines nébuleuses, entre guillemets, parce que ça s'est révélé des galaxies, et ils ont utilisé ces objets-là, ils ont dit, c'est la même chose qu'ici, il y a la même variation en brillance que les novae ou supernovae qu'on observe proches, mais elles paraissent beaucoup plus faibles parce qu'elles sont plus lointaines. Et ils ont fait une règle de trois en mesurant les brillances, et ils ont dérivé des distances de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années-lumière, alors que les distances, la dimension de la Voie lactée est évaluée à ce moment-là à peu près 100 000 années-lumière, un peu plus là. Mais en gros, tout de suite, on a mis ces objets à l'aide des novae, entre guillemets, qui étaient des supernovae, je donne le détail dans la liste. Pour la première fois en 1917, on a établit la distance là, comme étant correspondant à des objets qui se situent bien au-delà de notre Voie lactée. Donc, on a ouvert littéralement à ce moment-là le monde des galaxies. Et Hubble va arriver 7 ans plus tard avec des mesures avec un autre champ de standard plus précise. Donc, j'en parle aussi dans le livre. Oui. Et pour terminer rapidement, l'image 27, un amas de galaxies cachetiers. Rapidement, j'en Oui, l'amas sombre. Oui. On a parlé la dernière fois. Donc, c'est l'image, en fait, de l'amas de galaxies. On vient de parler de galaxies. Uh-huh. Et c'est une image d'un grand amas de galaxies, à peu près 1000 galaxies en paquets. Un paquet qui fait à peu près 1 million d'années-lumière de diamètre. Et c'est l'image qui a servi de base à Fritz Wicki, dont on a parlé encore il y a un mois. Mais en 1937, il publie son article et décrit ce système de l'amas dans la chevelure de Bérénice, l'amas de galaxies, comme étant un système où les galaxies semblent un peu se promener dans une soupe d'autres choses qu'on ne voit pas, qui dominent la masse au complet. Donc, il est frappé par la symétrie dans la distribution de l'ensemble des galaxies, surtout en incluant les petites galaxies. Il dit, il y a quelque chose là, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas une grosse galaxie au centre avec les petites qui tournent autour. Tout le monde est un peu distribué là-dedans comme un essaim d'abeilles. Il dit, il y a quelque chose qui tient cet ensemble. Il a mesuré les vitesses de plusieurs des galaxies. Il a dérivé la masse sombre. Il l'a appelé Duncan Materi. La première notion de la première mention de la présence de quelque chose dont on ne sait pas encore la nature à l'heure actuelle. Merci Jean-René pour toutes ces explications, c'est vraiment fascinant. Alors je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Le livre est disponible aux presses de l'Université Laval. Et dans les librairies peut-être? Et oui, dans toutes les librairies et sur Internet, partout où vous êtes dans le monde. Merci beaucoup Jean-René. C'est un grand plaisir.